Là, vous pouvez écouter. Et puis, vous voyez aussi toutes les radios FM qui relayent. Ça change en fonction des jours de mobilisation. D'accord. Voilà. Police aussi. Mais nous, on est des terreurs pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Police aussi. Mais nous, on est des terreurs pour bloquer le pays. Quel pays? Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Mais nous, on est des terreurs pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi, police aussi. Mais nous, on est des terreurs pour bloquer le pays. Bloquer le pays. S'il nous fallait crever de faim ici tous ensemble, voyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance. Vous êtes fatigués, on n'est pas fatigués. Vous êtes fatigués, on n'est pas fatigués. Vous êtes fatigués, on n'est pas fatigués. À ceux qui veulent casser nos retraites. À ceux qui veulent voler nos pensions, les rues répondent, grève générale. À ceux qui veulent nous faire cotiser plus, les rues répondent, grève générale. À ceux qui veulent nous faire travailler plus, les rues répondent, grève générale. On répond quoi? Grève générale. On n'entend pas, grève générale. Encore une fois. Dollars cachés, pétrole brut. Il Thank you.